Dur, très dur. Quel bel dur. Mais on s'en va, comme on a dit visite là. Jacqueline, quel bel là. Quel bel là, quel bel là, voilà. Quel bel là, quel bel là, quel bel là, bisous. Mais un grand Dieu, quand on a dit qu'on est un bagage qui a vu jouer, il a dit qu'il a ça, oui. Depuis à l'avance, il dit qu'il est, c'est pour l'élevé, il dit qu'il est tout bon. Ou qu'il a raconté ça pour le faire? Et puis, il a chité en galerie. Il a dit maman, où est-ce que tu es comme ça en face là? Tu n'as pas de garder. A fait si on tout en a gardé. Maman dit ben, c'est pas pour bien et pour mal. J'en viens, on a pris le voile de lui. Et puis, il a traversé le voile. Il dit salut, il a dit que je vais demander la main. Ah, mais petite là. Et on a dit, eh ben. Souvenez bien, pas me recevoir bien ou vin mal, c'est mal là. Et puis quand on accepte le parler avec monsieur, et pour ça, me dit comme ça, monsieur dit fille, chérie, nous allons dans le cinéma. Oh, dans le cinéma, vous venez dans le cinéma, parlez. Mais depuis que monsieur remet, je ne vais pas beau. Je ne vais pas beau du tout. Alors, l'on sort dans le cinéma, il y a un la caillou. Puis, je parle avec Tifia. Même pas qu'on est ici avec bagaille. Monsieur Dodi, Tifia, pas ça. Tifia dit non, maman te parle. Maman dit Mkembe, on dit Mkembe, Kembe, Kembe. On dit Mkembe, Kembe. T'es dit ok. Quand il ouvre une passe, monsieur m'a dessiné, moi, quoi. J'ai dans le cinéma, Tifia, oui. Parler. Par contre, ça vient parler, enfin, bye. Vive bye, qu'on en ait, on doit parler. Monsieur Zenek, l'arrivée, il ne doit pas parler français, affectifié à où elle compte parler français. Oh oui, chérie, on nous aurait parlé savoir, on dit ça. On nous résume de comprendre. Ah, on paquet français, la plaque est bye. Où tu viens à perdre du contrôle? Et puis, cinéma a fini, oui, il y a la caillou. Là, il y a la caillou, monsieur prend deux chaises. J'ai la droite ou j'ai la gauche. Et puis monsieur tombe à parler avec Tifia. Je ne sais pas qu'on a qui passait toujours. Monsieur tu as parlé couché. Dans la caille là. Baza. Tifia dit non. Ou pas besoin de fatiguer ou. Ou pas besoin de fatiguer du tout. Parce que à peine tu étais ou 15 à 16 jours pour nous marier. Tout à fait, on s'est dans mais on l'a habillé. Oh. Pour l'autre moment. J'ai sorti encore, l'aller, j'ai vu la calme, j'ai réfléchi, on sait qu'il y a des bagailles. J'ai dit, monsieur, moi-même, non, je trouve moi mon côté, c'est un problème pour mieux. C'est un problème pour vous prier. C'est un problème pour me passer aux rations, me passer. C'est un problème. En tout cas, je vais résoudre ça quand même, je vais aller dans le cinéma. Oh! Ça me dit, je suis devenu chargé, je suis allé dans le cinéma. Vous parlez. Cinéma vient de finir, je finis la caille, monsieur pressé pour la caille. Là, monsieur est venu, je prends des chaises, il m'a dit, il y a chita. Maman, même comme mesdames, ce qu'elle fait, il était dans le rideau, pipi dans la bouche, il a noyé. Il a coûté, ça, monsieur, dame, il a dit. C'est le moment d'un clap, il a dit, chérie, pour qui pour deux personnes, je ne vais pas faire mal. Et bagaille, ça me fait quoi? C'est moi-même seul, pour me faire bagaille, ça, pour lui. Je vais faire l'autre monde encore. Il a dit ma coûte ou j'ai dit qu'on s'est passé ou est moi-même d'où ça et c'est où seul que je chante ça oui c'est qui tête là ma baou qui tête là puis quand mon homme derrière il doit attendre avec qui tête là quand on dit oui tu vois ma fille avec une divine avec lui allez qu'on va faire des petites têtes oui puis dites-moi des doux kembe regardez nous. Regardez, vous avez ça, son bagage qui va gagner les épaules. De vous prendre une tête là. Ou prendre tout. Maman déballe. Mais sous quoi j'ai bon, quand on a vu découvrir petite là, l'a découvrir. Il vient de faire lui papa. T'as déjà dit maman. Oh oui, dis-moi soit dit non, si c'est beauté, bon beauté, bon beauté. Alors attendez, il veut zingue ta beauté pour la vie dit non. Maman te balé. Maman te balé.